Vacarme s'arrête là pour aujourd'hui puisque c'est l'heure d'Histoire vivante. À demain. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. On voit les Arabes portant dans leur turban une sorte d'épi de maïs. C'est cette fleur d'oubli qui répand pendant de longues semaines ce parfum étrange. Cette semaine, l'Arabie Saoudite. Moi, je suis l'idéologie, et toi, tu es le bras armé. Fondation. L'Arabie abrite les deux principales villes saintes de l'islam. Et transformation. Nous allons voir ce que les Américains peuvent faire en apportant leur technique dans les sables d'Arabie. Une immuabilité en mouvement. De toute évidence, le roi Saoud n'était pas à la hauteur. Et qu'il devrait qu'on pratique l'esclavage en Arabie Saoudite. Vous avez ces 6000 personnes qui sont les propriétaires du pays. Je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Bonjour Antoine Vidkin, comment allez-vous? Bonjour Jean. Ça fait un petit bout de temps qu'on s'est parlé, le dernier documentaire, parce que vous tournez comme Woody Allen, donc je me souviens jamais, c'est tous les 6 mois. Dernier en date pour lequel nous avons échangé quelques propos, vous en souvenez-vous vous-même? Vous avez fait que des quantités de films depuis. Eh bien non, effectivement, il s'est écoulé un certain temps, et je ne sais plus... On va faire, alors parmi vos derniers opus. Je crois que c'était peut-être la Syrie, Bachar el-Assad, il me semble. Je crois que c'était ça le dernier. Votre objet... nouveau, on en a dit un mot déjà hier, sachant que depuis le début de la semaine, nous nous occupons de l'Arabie Saoudite. Pour vous dire en deux mots, puisque vous n'étiez pas vous-même à l'antenne, nous en sommes arrivés à un moment assez singulier. C'est l'assassinat du roi Faisal en 1975, dont on s'est demandé pendant un temps si c'était un assassinat politique ou non. Il s'est avéré que ce n'était sans doute pas un assassinat politique, mais beaucoup plus un conflit familial, mais qui a ouvert une sorte de boîte de Pandore qui posait la problématique en Arabie Saoudite des camps opposés, et qui semble toujours aujourd'hui encore en présence, et qu'on va rapidement baptiser du camp des modernes et du camp des traditionnalistes. Alors, avec le personnage qui est votre personnage central, MBS, on retrouve quelque chose qui est relativement analogue. On aura l'occasion de parler de l'ouverture que MBS souhaite réaliser sur son pays, qu'il a déjà en partie pour un certain nombre de choses réalisées. Mais j'aimerais avec vous au départ vous poser la simple question qui m'est venue en regardant votre travail. Choisir de couvrir l'Arabie Saoudite, c'est vraiment aimer la difficulté. J'imagine que c'est un pays dans lequel tout est absolument et résolument cadenassé. Alors pourquoi, vous qui aimez travailler avec, j'imagine quand même, des espaces de liberté, avez-vous choisi ce dossier-là, ce sujet-là? Racontez-nous. Alors vous avez raison, et je dois dire, par comparaison avec des sujets qui peuvent paraître pas évidents d'accès, comme précédemment la Poutine et la Russie, Bachar et l'Assad, je dois dire que je n'ai jamais eu autant de difficultés à trouver des témoins, c'est-à-dire des témoins directs, que ce soit des Occidentaux, officiels ou pas, qui ont traité avec Mohammed Ben Salman, puisque, comme vous savez, mes documentaires reposent sur l'accès à des témoins directs. Je ne cherche pas vraiment des experts. Des experts sur l'Arabie Saoudite, soit dit en passant, il y en a beaucoup, et des bons, contrairement à d'autres zones géographiques. Mais je n'ai jamais eu autant de difficultés, donc, à trouver des témoins directs du côté occidental ou du côté saoudien que cette fois-ci. Pour plusieurs raisons. La première étant que l'Arabie Saoudite, le pouvoir saoudien est une boîte noire, véritablement. La matrice du pouvoir est une véritable boîte noire. Et je dois dire que ça se remarque, y compris par des détails, qui évidemment frappent le réalisateur de documentaires que je suis, puisque j'avais besoin d'images. Et par exemple, Bachar el-Assad, lorsqu'on cherche des images un peu privées du personnage, on en trouve. Lorsqu'on cherche des images un peu privées de Mohamed Ben Salman, qui est pourtant quelqu'un de 36 ans maintenant, donc notre génération, la génération de l'image, du smartphone, une époque où dans la moindre boîte de nuit, lorsque vous avez une célébrité, vous avez un téléphone portable brandi, etc. Et bien lorsqu'on cherche des images un peu privées, au-delà du cadre officiel, on n'en trouve absolument aucune. On en trouve quelques-unes sur la jeunesse que j'ai utilisées dans mon documentaire, mais là, depuis les 5 ou les 7, 6 dernières années, on n'en trouve absolument aucune. Et notamment, par exemple, je m'intéressais à un événement qui était son anniversaire sur une île. Il avait privatisé l'île avec des dizaines et des dizaines d'invités, des rappeurs, des starlets, etc. On ne trouve pas une seule photo, même d'une barrière de police, enfin, etc. Bon. Donc, c'est un pouvoir fermé. Alors, fermé parce que, de toute façon, le pouvoir... dans le monde arabe, le pouvoir dictatorial est souvent toujours fermé et se protège. Et dans le cas saoudien, probablement d'autant plus que le pouvoir saoudien vit et tire sa légitimité d'une forme de fiction politique qui est la fiction politique d'Ibn Saoud, c'est-à-dire chef de tribu qui gouverne au nom de l'islam, dans une sorte d'idéal de pureté, de retour aux sources permanent, etc. Et évidemment, vous imaginez bien que Mohamed Ben Salman, au milieu de rappeurs, ça fait désordre par rapport à cette fiction politique-là. C'est une des raisons. Et puis, par ailleurs, c'est un pouvoir qui a les moyens de maintenir la boîte noire. C'est-à-dire qu'il y a les services de sécurité, les services de renseignement suffisamment compétents pour être capable d'éviter les photos. C'est ça que j'en conclus. Et pour terminer, et par ailleurs, j'ai également de grandes difficultés à trouver des interlocuteurs du côté occidental, parce que c'est comme ça aussi que je construis souvent mes films. Ça veut dire que ceux qui souvent me parlent et me donnent des anecdotes, des coulisses sur des chefs d'État, comme encore une fois Bachar, Kadhafi ou Poutine, sur lesquels j'ai travaillé, sont souvent des occidentaux qui viennent le voir, qui négocient. Et bien là, j'ai fini par en trouver, mais ça a été extrêmement difficile. Et là, pour une raison qui est que l'Arabie Saoudite est un allié. Est un allié de l'Occident, un allié puissant, un allié qui a des quantités de lobbyistes, par exemple, à Washington, puisque les États-Unis étaient mon terrain de chasse numéro un. Eh bien, effectivement, c'est une puissance. Il finance la quasi-totalité des sociétés de communication politique du monde occidental, en France comme aux États-Unis, et j'en ai senti les effets, voilà, comme jamais. Au printemps 2018, le prince lance une vaste opération de séduction à destination des Occidentaux. Il ressent le besoin de ça parce que son projet, pour réussir, elle a besoin d'un soutien massif des économies étrangères. Il va rencontrer non seulement des hommes d'affaires, mais aussi des leaders d'opinion, mais aussi des élites culturelles, etc. Pour sa promotion, MBS dispose du premier budget de communication au monde, emploie les plus grandes agences de relations publiques, ainsi qu'une armée de lobbyistes. Cela ouvre bien des portes. Sa tournée est digne d'une rockstar. En 3 semaines aux États-Unis, 1 semaine à Londres et 3 jours à Paris, il visite la Silicon Valley, Hollywood, rencontre des évêques et des rabbins, d'anciens présidents américains, visite le Louvre et termine par un gala avec le tout Washington. Son image de jeune prince héritier, qui transforme son pays, qui est ouvert au monde, qui veut être un allié de l'Occident, qui est charismatique, le rendait naturellement attirant. Ladies and gentlemen, the man that you all would like to hear from, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman. Antoine Witkin, est-ce du coup vous qui avez choisi de faire le sujet? Vous l'a-t-on apporté et n'avez-vous pas su résister? On me l'a apporté, j'ai pas su et pas voulu résister parce que je connaissais mal l'Arabie Saoudite, ça n'était pas un pays qui m'attirait, probablement parce que c'est un pays qui a une histoire, aucune histoire est négligeable, mais l'histoire de l'Arabie Saoudite, bon, très désertique, disons, ne me parlait pas beaucoup, moins que celle de la Syrie, un grand pays, un pays fort par exemple, ou... Voilà. Ou la Libye, qui avait une histoire politique, la forte, avec Kadhafi. Bon, l'histoire saoudienne, et justement, c'est lié sans doute au leadership saoudien, qui a longtemps été un peu ectoplasmique. Des vieillards prudents, fermés sur eux-mêmes. Donc c'était assez peu attirant. Et je m'étais jamais posé donc la question. On m'a proposé ce film, j'ai sauté dessus, parce que, effectivement, MBS, quelqu'un d'assez nouveau, on va en parler, qui mérite qu'on s'y intéresse. Et j'ai sauté dessus aussi pour une autre raison, qui est que cette fois, après m'être attaqué à des dictateurs, pour l'essentiel, qui sont des ennemis de l'Occident, je me suis dit que s'attaquer à un dictateur qui était un ami de l'Occident, c'était tout à fait intéressant. Et je dois dire, j'ai pas été déçu. Je trouve que les enjeux que cela pose pour nous sont extrêmement forts. Et beaucoup plus finalement que des gens comme Bachar le Syrien ou Poutine. Il y a des enjeux, mais c'est plus simple. Ça n'est pas nous. Bachar, ça n'est pas nous. Poutine, ça n'est pas nous. C'est l'autre que nous, c'est peut-être l'ennemi, le rival, ce que vous voulez. MBS, c'est un peu nous. Et je crois que ça sous-tend mon film, d'ailleurs. Je suis Mohamed Ben Salman, plus connu sous l'acronyme MBS. J'ai 34 ans. Prince héritier d'Arabie Saoudite, je suis accusé d'avoir fait assassiner un journaliste, kidnapper un dirigeant étranger. Je mène une guerre sanglante au Yémen, réprime toute opposition. On me considère impulsif, imprévisible. Je suis pourtant reçu avec tous les honneurs. Mon royaume possède d'immenses réserves pétrolières et pèse sur l'économie mondiale. Je détiens les principaux lieux saints de l'islam. Je suis le premier client des industries d'armement occidentales. Je suis un partenaire clé dans la lutte contre le terrorisme. Je mène des réformes qui pourraient transformer mon pays et vous enrichir. Je suis incontournable. Je suis votre allié. Qu'a-t-il en tête, Mohamed Ben Salman ? Où va-t-il ? Il pourrait, à la mort de son père, régner sur l'Arabie Saoudite pendant plusieurs décennies et devenir une figure familière de notre monde. Son avenir est un peu le nôtre. Alors quand on découvre un dossier, comme vous l'avez fait Antoine Witkin, à propos de l'Arabie Saoudite, ben, il faut, comme on le sait, ramasser de l'information, faire jouer ses contacts, parler, discuter, lire, étudier, potasser, et puis progressivement le squelette de ce qui va devenir après un objet à regarder, à découvrir, devant lequel on pourra peut-être éventuellement s'émerveiller, finit par arriver. Cette progression de la construction, pour vous, elle s'est faite comment ? Plusieurs scénarios étaient devant vous ou Alors au départ, lorsqu'on m'a proposé le film, la raison pour laquelle j'ai d'autant plus accepté, c'était que ça se passait avant l'affaire Khashoggi, à un moment où les Saoudiens s'ouvraient avec MBS, de manière factice, mais s'ouvrait. Et ça m'est arrivé par une productrice et par une intermédiaire, disons, qui se faisait fort d'obtenir l'accès à Mohamed Ben Salman et s'ouvrait la perspective de le suivre. Ça veut dire de faire ce que je n'avais précédemment pas fait, c'est-à-dire, j'ai toujours fait des films un peu dossiers, c'est-à-dire avec des archives, des interviews, grosso modo. Et là, le projet, c'était de le suivre, c'est-à-dire d'aller là-bas et de passer du temps. Ça me paraissait un défi, je ne savais pas si c'était possible, en tout cas c'était avant l'affaire Khashoggi, c'était plus simple, et donc des contacts ont eu lieu à haut niveau en ce sens. Bon, discussion, ça a duré un certain temps, des réponses un peu polies mais intéressées du côté saoudien, évidemment c'était le sommet de l'État saoudien, forcément ces choses se décident entre 5 ou 6 personnes. Et le temps s'est un peu écoulé. Entre-temps, j'étais engagé sur un autre film qui m'a demandé beaucoup de temps. Et donc, je n'ai pas pu sans doute battre le fer pendant qu'il est chaud. Et quelques mois plus tard, au cours desquels la discussion finalement avançait péniblement, se déroule l'affaire Khashoggi. Et là, évidemment, mes interlocuteurs saoudiens se sont refermés comme des huîtres. Et je me suis d'ailleurs bien gardé de les relancer en comprenant parfaitement la situation. Et je me suis dit là que j'allais faire comme je faisais plus classiquement, c'est-à-dire un film avec des interlocuteurs que j'allais débusquer pour qu'ils me parlent du côté saoudien et du côté occidental. Ce qui, là aussi, n'a pas été simple parce qu'effectivement, je vous mentionnais les raisons qui ont fait que l'accès aux interlocuteurs était difficile. L'affaire Khashoggi, là aussi, a cru la difficulté. Son grand-père a fondé l'Arabie Saoudite en 1932. Son père en est le roi depuis 2015. Sa famille doit son pouvoir à l'écrasement des tribus d'Arabie, au nom d'une conception intégriste de l'islam, le wahhabisme. Puis, la découverte de l'or noir a offert aux Saouds la richesse, ainsi qu'une assurance vie, la protection de l'Amérique. Depuis un pacte avec le président Roosevelt, pétrole contre sécurité. Les descendants du fondateur, plusieurs centaines de princes, règnent sans partage sur 34 millions de sujets. MBS est né et a grandi dans ce monde à part. Il voit le jour dans un palais de Riyad, la capitale, en 1985. Son père, Salman, l'un des 53 fils d'Ibn Saoud, est gouverneur de la ville. Sa mère est la troisième épouse et sa favorite. fils préféré, son enfance se déroule dans l'ombre de son père, dans un univers de traditions et d'interdits, où la musique, le cinéma, la mixité sont officiellement bannis. Mais en privé, un prince bien-né échappe à ses contraintes. Venons-en peut-être au personnage principal. MBS, si vous deviez, pour tous ceux qui... Après tout, l'Arabie Saoudite n'est de loin pas le pays auquel on s'intéresse, comme vous le dites vous-même, Antoine Vidkin, le plus quotidiennement. Présenter ce personnage à ceux qui nous écoutent, comment le feriez-vous? À gros traits peut-être, puisqu'on aura l'occasion de le découvrir plus précisément dans votre documentaire. Encore que, même après avoir vu le documentaire, je reste, quant à moi, devant une énigme, une espèce d'objet un peu brut, mal dégrossi, phénoménalement puissant. Comment, vous qui avez travaillé dessus, le décririez-vous? Non, vous le décrivez très bien, là. Alors, c'est un peu frustrant pour nos auditeurs, mais moi aussi, après avoir travaillé dessus, je reste face à une énigme et un objet un peu brut. Absolument, c'est exactement ça. Je n'ai pas toutes les réponses. J'ai essayé de les avoir. Je ne les ai pas. Ce que je peut en dire, si on va dans la question finalement principale, qui est la question psychologique, enfin du personnage profond, puisque l'énigme est là, une digression, sur le personnage, effectivement, Mohamed Ben Salman, prince saoudien, fils du roi Salman, et il doit tout son pouvoir à cela, c'est-à-dire il est fils de son père était un des fils survivants de Ibn Saoud, le fondateur, il est devenu roi, il a constaté que le pouvoir saoudien devait passer à la génération d'après, puisque jusqu'à présent, le pouvoir se transmettait entre frères, c'est-à-dire entre descendants du fondateur, donc entre frères âgés, il a décidé qu'il fallait passer le pouvoir à la génération d'après, c'était une nécessité biologique. Et donc, ça fait sans doute, mais là aussi... Et première énigme, depuis quand, pourquoi, dans quel cadre? Ça fait sans doute longtemps, peut-être même dès l'adolescence de Mohamed Ben Salman, qu'il a décidé que son successeur serait non pas un de ses frères, il en a encore un ou deux survivants, dont le prince Moukrin, mais Mohamed Ben Salman, un jeune homme qu'il a donc gardé auprès de lui et formé. Bon alors, sur le parcours de Mohamed Ben Salman, on me dit deux choses. La première, c'est qu'effectivement... c'est quelqu'un qui a mangé de la politique auprès de son père en étant là partout et donc en voilà, comprenant auprès de lui ce qu'était la politique en Arabie Saoudite. On va pas y revenir, qui est quelque chose d'assez particulier, un système également de gestion de tous ces petits centres du pouvoir, des princes. Voilà, c'est quelqu'un, son père était connu pour avoir des dossiers sur les pratiques financières, sexuelles ou ce que vous voulez de toute la famille royale. J'imagine que ça lui est resté, un homme de sécurité aussi. Donc il y a cette dimension-là. Et l'autre dimension, ce que j'en ai compris, c'est qu'effectivement il ressemblait à un jeune prince saoudien de son temps, c'est-à-dire quelqu'un qui était notamment un fan de jeux vidéo, Call of Duty... J'ai parlé avec un personnage intéressant qui n'est pas dans mon film parce que justement le convaincre a été finalement sans issue et sans doute a-t-il eu peur de parler, qui est son ancien professeur d'anglais à l'époque de l'adolescence, mais qui m'a en revanche dit des choses et qui m'expliquait notamment, alors ce sont des détails, que le jeune prince Mohamed Ben Salman était un garçon très bagarreur, très chahuteur, que pendant les cours d'anglais, il jouait avec les talkie-walkie de ses gardes du corps, et que donc il était difficile à canaliser. Donc c'était un jeune prince un peu sans cadre parental fort, c'est-à-dire tout lui était possible. Enfin, on imagine assez bien ce que ça peut être que la vie dorée d'un prince qui voyage beaucoup. Il voyageait à travers le monde. Une anecdote assez significative que m'avait raconté cet ancien prof d'anglais, il m'avait expliqué que donc il venait au palais pour enseigner l'anglais comme précepteur privé à Mohamed Ben Salman et ses deux frères, et il voyait évidemment jamais la mère, qui n'existe pas, les femmes n'existent pas dans ce pays comme chacun sait, et que un beau jour il parle à la mère au téléphone. Hein. Et la mère lui dit « Ah, vous êtes vraiment un gentleman, enfin j'aime beaucoup la manière dont, etc. » Il est interloqué et il finit par comprendre qu'en fait, chaque pièce de la maison était équipée de caméras de surveillance et que donc la mère, d'ailleurs une console, surveillait les activités des uns et des autres et de ses enfants et donc regardait les cours d'anglais par vidéo interposée. Vous avez un peu l'univers. Ce qu'il m'a dit aussi, c'est qu'un jour, il avait pensé se plaindre auprès du père, auprès de Salman, du comportement un peu bagarreur. C'est tout, hein, et pas un comportement plus scandaleux que ça, mais c'est un bagarreur, casse-pied. Pour un professeur, c'était embêtant et il le trouvait un peu agité. Il avait voulu se plaindre auprès du père et finalement, il avait renoncé au dernier moment face à lui. Voilà. Mais le père, c'est une logique qui consistait à s'enquérir quand même auprès des professeurs. Alors, les professeurs avaient été convoqués en randonnion pour rendre hommage au père et dire un petit mot sur la manière dont ça se passait. Chacun des professeurs avait été évidemment extrêmement louangeur. Ce professeur d'anglais n'étant pas saoudien, il n'était pas tenu à la même étiquette. Et lui s'était dit, moi je ne vais pas dire à Salman que tout va bien, je vais lui dire que son fils se comporte mal. Bon voilà, je vous cite cette anecdote parce qu'il me l'a raconté, ça n'est pas dans mon film. Mais sans doute, ça raconte, je crois, assez bien, pour le peu qu'on puisse approcher, la personnalité de ce jeune MBS qui est à la fois, un jeune homme de son temps, assez moderne, en même temps formé par son père à l'ancienne, et un bagarreur, et un gamin turbulent, quoi. Un grand merci, Antoine Witkin, pour ces bonus. J'ajouterais, si vous le voulez bien, peut-être un titre à la Paul Morand pour qualifier Mohamed Ben Salman. C'est un homme pressé. À l'évidence, c'est quelqu'un qui... certainement parce que il est organisé ou câblé de manière neuronale comme quelqu'un à qui rien ne peut ou ne saurait résister, et étant désormais en haut de la pyramide, bien qu'il n'y ait pas de pyramide, mais voilà, c'est une image bien sûr, il veut avancer, mais c'est aussi quelque chose que vous racontez dans votre documentaire. Cette volonté d'avancer n'est pas seulement ou essentiellement d'ordre psychologique, elle est aussi rattachée à une rationalité réelle, c'est la perspective économique dans laquelle se trouve désormais plongé le pays. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous raconter ça ? Absolument, il est pressé, vous avez raison, parce que c'est son caractère et c'est à la fois un atout et un immense handicap, et il est pressé parce qu'il a, sans doute, le pense-t-il, et c'est aussi, je pense, une réalité, pas beaucoup de temps. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'Arabie Saoudite n'est pas un royaume, un pays de cocagne, où l'argent permet tout et donne du temps. C'est un pays qui, je le pense, est dos au mur. C'est très simple, l'équation est parfaitement simple. 80% des revenus du pays proviennent du pétrole. Les cours baissent structurellement et sont amenés à l'avenir à baisser encore plus, parce que à la fois les réserves saoudiennes ne sont pas éternelles, ça tout le monde le sait, il y a des dates, alors elles changent de temps en temps, mais il y a des dates de fin, et puis on passe petit à petit à l'électrique par exemple, pour les voitures, et ça a des incidences considérables. Autrement dit, 80% des revenus du pays appuyés sur finalement quelque chose qui est en train de disparaître à terme, 32 millions d'habitants, c'est pas un petit pays, c'est pas le Qatar, c'est pas les Émirats, 32 millions d'habitants, c'est-à-dire que c'est un vrai pays avec du monde et une économie totalement dysfonctionnelle, appuyée essentiellement sur le pétrole, qui crée très peu d'emplois, secteur productif réduit à peau de chagrin, les gens, et tout est subventionné, c'est-à-dire l'électricité. Voilà, c'est en train de changer, mais on y reviendra peut-être après, mais jusqu'à présent, jusqu'à la réforme de MBS, encore une fois, réforme à dos au mur, l'électricité, l'eau, entre 50 à 65%, j'ai même entendu ce chiffre, des Saoudiens employés directement ou indirectement par le gouvernement, souvent à pas faire grand-chose. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et dès à présent, on parle de 20% ou 10%. Vous me pardonnerez si je fais une erreur, mais en tout cas un chiffre significatif de Saoudiens sous le seuil de pauvreté. Un pays qu'on imagine très riche. Justement, qu'est-ce que l'on sait en dehors des images cartes postales que l'on peut avoir en tête, c'est-à-dire en dehors des berlines allemandes et des palais, qu'est-ce que l'on sait du reste du pays ? Voilà, ça n'est pas que les berlines allemandes, c'est 10 à 20% de la population sous le seuil de pauvreté. J'ai vu quelques photos, il n'est pas simple d'en trouver, de quartiers périphériques, de Riyad notamment. Ça ressemble à des bidonvilles, vous avez des cités totalement dégradées. Un opposant saoudien me racontait que la grande majorité de la ville, le tout à l'égout n'est même pas assuré. Les Saoudiens sont en train de construire pour la première fois des lignes de bus et de métro, ça n'existait pas jusqu'à présent, malgré l'immense richesse quand même de l'État. Et donc, tout ça fait que Mohamed Ben Salman et l'élite, et le pouvoir saoudien le plus conscient, a compris que si le pays ne se transforme pas radicalement, la dynastie des Saouds est assise sur un baril de poudre. Le pays ne peut pas. Ils n'ont plus les moyens de tenir le pays comme il le tenait avant. Le budget de l'État, par exemple, s'effondre. Les réserves de l'État s'effondrent. Littéralement. Je crois qu'elles ont baissé de 200 milliards en 3 ans. Ils ont vraiment, j'en suis persuadé. Alors, c'est compliqué quand on pose la question à nombre de ou de protagonistes, voire parfois d'experts. La réponse est, personne n'en sait rien, et c'est, on veut pas le dire pour pas froisser les Saoudiens, souvent aussi, qui, comme je le disais, ont des connexions, des antennes partout. Moi, c'est mon sentiment. Je ne suis pas un expert, de l'Arabie Saoudite. Je fais pas de la science politique. Je n'ai pas passé 20 ans de ma vie à travailler sur l'Arabie Saoudite comme d'autres. Donc, ce que je vous dis relève de l'intuition politique, mais j'ai le sentiment que le pouvoir saoudien, que MBS, est véritablement dos au mur et qu'il a peu de temps. Il a quelques années. Voilà, c'est ma conviction. Je serais peut-être démenti par les faits, mais c'est ma conviction. On peut peut-être d'ailleurs, avant de se quitter, Antoine Witkin, et pour se retrouver demain, voir avec vous les dossiers qu'il a choisi d'ouvrir le plus rapidement possible pour montrer à la fois à l'interne, autrement dit à l'intérieur de son pays, qu'à la face du monde, sous sa gouverne, le pays allait changer. Quelles ont été ses premières mesures ? Si je devais résumer le bilan pour le moment de Mohamed Ben Salman, il a deux volets, et qui sont deux volets contradictoires. Le premier volet, c'est qu'il a effectivement réformé son pays. Alors il l'a réformé économiquement, il a des créations d'impôts, puis des baisses, enfin des réformes budgétaires, enfin un certain nombre de mesures économiques d'inspiration plutôt libérale qui ont peu plus ou moins de succès parce que c'est très compliqué à mettre en œuvre, ça marche pas très bien d'ailleurs, ça repose aussi sur des privatisations, enfin je vais pas y revenir, mais il y a cette dimension économique. Il y a également une dimension sociétale où là effectivement les effets sont plus frappants. Il l'a pas fait par conviction profonde, je pense qu'il l'a fait d'abord par pragmatisme. La société saoudienne et notamment la jeunesse qui représente 70% de la population, c'est beaucoup, est une société connectée au monde. C'est l'éternel problème des dictatures. Moi, si je devais conseiller un dictateur, je lui dirais qu'une seule chose, je lui dirais surtout, faut fermer les facs, et encore plus, il faut surtout pas envoyer les jeunes du pays se former à l'étranger. Bon, l'Arabie Saoudite, comme un certain nombre de dictatures, je pense à l'Iran en particulier, le problème de l'Iran, c'est que la jeunesse iranienne est très bien formée, parfois à l'étranger, etc. Et donc, elle se révolte à juste titre. L'Arabie Saoudite, c'est la même chose. On ne pouvait pas tenir la jeunesse sous la coupe du wahhabisme. Et donc, il l'a fait à la fois pour cette raison-là, et puis également parce qu'il doit donner une meilleure image de l'Arabie Saoudite à l'étranger, parce qu'il a besoin des investisseurs étrangers, un besoin crucial, on revient à ce que je disais tout à l'heure. Il a ouvert le pays. Et effectivement, en 2-3 ans, c'est une véritable révolution. Les femmes ne sont plus obligées de porter le voile, c'est quand même pas rien. Et on peut voir des images de fêtes techno à Riyad. Donc il y a quasiment un petit flower power à Riyad en ce moment. Ce qui sous-entend, si vous le précisez, que c'est d'abord centralisé, mais qu'en aucun cas ailleurs, quoique le reste du pays, c'est pas seulement Riyad, c'est Jeddah aussi, c'est le pays s'est ouvert, c'est-à-dire que, voilà, on a parlé du permis de conduire pour les femmes, mais il n'y a pas que ça, les cinémas, des concerts, des fêtes, alors évidemment, le régime communique là-dessus, quand David Guetta ou un groupe de K-pop coréenne vient faire un concert là-bas, c'est filmé, c'était une manière de dire, regardez, on change, mais effectivement, ça change, et le pays, petit à petit, est en train de ressembler à Dubaï, il en est loin, mais en train de ressembler à Dubaï. Le deuxième volet, je termine là-dessus sur le bilan de Mohamed Ben Salman, qui est là contradictoire, c'est que le pays n'a jamais été aussi répressif. Et ça, tous les opposants, les militants des droits de l'homme à l'extérieur ou à l'intérieur en témoignent. Il a fait abattre sur le pays une chape de plomb et une répression comme jamais précédemment. C'est ça l'envers du décor. Alors qu'il accorde à ses sujets quelques libertés nouvelles, il ne tolère aucune dissidence politique. Nous n'avons jamais eu autant de prisonniers politiques et d'exécution. Il a arrêté des gens, réduit la liberté d'expression. Mais pendant cette période de grand changement, il faut tenir le pays. Il faut pour cela être autoritaire, arriver et dire « je vais faire ça, c'est la loi, c'est comme ça et pas autrement ». Parce que si vous relâchez la pression politique, vous risquez de perdre le contrôle. La meilleure solution, c'est le despotisme éclairé. Mais c'est un art, pas une science exacte. Antoine Witkin, on va se retrouver demain. On continuera à découvrir, grâce à vous et avec vous, l'Arabie Saoudite de MBS. On ouvrira un certain nombre de dossiers, à la fois des relations internationales, et puis évidemment, comment passer à côté le dossier Khashoggi. À demain.